the Bible. La plus grande prophétie jamais vue dans la Bible. I repeat. Je répète. When the Lord quand le Seigneur began to respond to them, a commencé à leur répondre, the most central prophecy in the whole Bible combined. La prophétie la plus centrale dans toute la Bible jointe was released. Était donnée. I say it this time. Je l'ai dit encore. When the Lord quand le Seigneur began to answer the disciples, a commencé à répondre aux disciples, when they said, what will be the sign? Quand ils ont dit, quel sera le signe? The most important prophecy in the whole Bible was then released. Alors la plus importante prophétie de toute la Bible a été donnée. And I want to call it, et je désire appeler ceci the Mount of Olives prophecy. La prophétie du Mont des Oliviers. In other accents, dans d'autres accents, Spanish and French, en espagnol et en français, they call it the Olivet Mountain. Ils appellent ça la montagne Olivet. So I can also call it the Olivet prophecy. Alors, je peux appeler ça la prophétie Olivet. Today, aujourd'hui, I want to look at the Mount of Olives prophecy. J'aimerais voir la prophétie de la montagne des Oliviers. The Olivet prophecy. La prophétie Olivet. That the Lord Jesus gave to the church. Que le Seigneur Jésus a donné à l'Église. And when you follow that very carefully, et quand vous suivez cela très attentivement, from today on, depuis aujourd'hui et après, you will know where exactly the church is. Vous allez savoir où l'Église est exactement concerning the coming of the Messiah. Concernant la venue du Messie. Why is it the most important prophecy in all the Bible? Pourquoi est-ce que c'est la prophétie la plus importante de toute la Bible? Because parce que it talks about the coming of the Messiah. Ça parle à propos de la venue du Messie. And all the other prophecies in the Bible. Et toutes les autres prophéties de la Bible, they just revolve around this prophecy. Elles tournent toutes juste autour de cette prophétie. So precious people, that's where I want to begin today. Alors, précieux peuple, c'est là où je désire commencer aujourd'hui. The Mount of Olives prophecy. La prophétie du Mont des Oliviers. The Mount of Olives prophecy. La prophétie du Mont des Oliviers. If it is so important. Si c'est si important. If it is very critical. Si c'est très critique. Then I must find it in the glorious gospel. Alors je dois le trouver dans les glorieux évangiles. Again. Encore. Then I must find it in the glorious gospels. Alors je dois les trouver dans les glorieux évangiles. We have the gospel of Matthew. Nous avons l'évangile de Matthieu. The gospel of Mark. L'évangile de Marc. The gospel of Luke. L'évangile de Luc. The gospel of John. L'évangile de Jean. There are four glorious gospels. Ils sont quatre glorieux évangiles. But listen to this. Mais écoutez ça. When I went, quand je suis allé, when the Lord began to show me these horsemen, quand le Seigneur a commencé à me montrer ces cavaliers, and these prophecies and their fulfilling, et ces prophéties et leur accomplissement, and they are affecting the whole earth, et ils affectent toute la terre. When I began to look for this Olivet prophecy in the glorious gospels, quand j'ai commencé à regarder à cette prophétie Olivet dans les glorieuses évangiles, I was shocked. J'étais choqué. I was stunned. J'étais stupéfait. Perplexed. Perplexe. Bamboozled. Mystifié. Astonished. Étonné. Why? Pourquoi? Because when I read the book of Matthew, parce que quand je lis l'évangile de Matthieu, I found that that prophecy was so important to Matthew that he recorded it. J'ai vu que cette prophétie était si importante pour Matthieu qu'il l'a enregistrée. And he gave it Matthew 24. Et il l'a donné dans Matthieu 24. Ah, there we go now. Ah, nous allons là maintenant. He documented it in Matthew chapter 24. Il l'a documenté dans Matthieu 24. I said, okay, let me go to the book of Mark. J'ai dit, ok, laissez-moi aller dans l'évangile de Marc. When I went to the book of Mark, quand je suis allé dans le livre de Marc, I found out j'ai trouvé that it was so critical to Mark, que c'était si important pour Marc that he placed it in Mark chapter 13. Qu'il l'a placé dans Marc chapitre 13. He put it in Mark chapter 13. Il l'a placé dans Marc chapitre 13. When I went to Luke, quand je suis allé chez Luc, Luke realized Luc a réalisé the centrality of that prophecy. La centralité de cette prophétie. Luke understood how central that prophecy. Luc a compris combien centrale était cette prophétie. In fact, the way Luke describes that prophecy, en fait, la manière dont Luc décrit cette prophétie is very sweet. It's another dimension. Est vraiment douce dans une autre dimension. And he recorded it in Luke chapter 21. Et il l'a enregistré dans Luc 21. Pastors, everybody listen to this. Pasteurs, tous, écoutez ça. When I now entered the glorious gospel of John, et quand je suis maintenant entré dans le glorieux évangile de Jean, then I was shocked. Là, j'étais choqué. Then I was stunned. Là, j'étais stupéfait. Why was I stunned? Pourquoi est-ce que j'étais stupéfait? Because I found that John had scripted. Parce que j'ai trouvé que Jean l'a sauté. He did not record it. Il ne l'a pas enregistré. John had left it out. Jean l'a omis. So I was very shocked. Alors j'étais très choqué. I said, if it is that very important, j'ai dit, si c'est tellement important, why would John leave it out? Pourquoi est-ce que Jean l'aurait omis? I was very disturbed. J'étais très troublé. If it is that important, si c'est tellement important, you know the Bible, vous savez la Bible, anchored on the four glorious gospels, ancrée sur les quatre glorieux évangiles, and you preach the whole Bible, et vous prêchez toute la Bible, then you are serving the Lord. Alors vous servez le Seigneur. And now, et maintenant, I go into the four glorious gospels. Je vais dans les quatre glorieux évangiles. I find it in Matthew 24. Je le trouve dans Matthieu 24. Mark 13, Marc 13, Luke 21, Luc 21, but John, he jumped it, he left it out. Mais Jean, il l'a sauté, il l'a omis. Was it not important to John? Est-ce que ça n'était pas important pour Jean? Today you are going to have a comprehensive understanding of the Bible. Aujourd'hui, vous allez avoir une relation compréhensive de la Bible. This day, ce jour, even the book of Revelation, you are going to be able to open it and teach it. Même le livre de l'Apocalypse, vous allez le comprendre et le prêcher. And read it and teach people. Et le lire et enseigner les gens. Because God has released it to me. Parce que Dieu me l'a révélé. Because of you, not for me. Me, I am a slave. À cause de vous, non pour moi. Moi, je suis un esclave. But you are the most important. Mais vous êtes les plus importants. He sent me to you. Il m'a envoyé à vous. Because he's looking forward to your visitation. Parce qu'il regarde pour votre visitation. Alléluia. Alléluia. It is not for me. Ça n'est pas pour moi. It's for me to transmit. C'est à moi de transmettre. Which means there is somebody precious. Qui signifie que quelqu'un est précieux. That he says, run and tell them this because I am waiting for them. Ce qu'il dit, cours, dis-le-leur, parce que je les attends. So why did John leave it out? Alors, pourquoi est-ce que Jean l'a omis? Before we go and read it. Avant que nous allions, je le lis. Listen very carefully. Écoutez attentivement. John was actually put apart. Jean était absolument mis à part. John was put apart by the Lord. Put apart. été mis à part par le Seigneur, mis à part. Why? Pourquoi? Because parce que the Holy Spirit knew le Saint-Esprit savait that when Jesus gave that prophecy, quand Jésus a donné cette prophétie, the Olivet prophecy, la prophétie Olivet, time would come le temps viendrait when there would be need où il y aura besoin for somebody to receive the translation for it. Pour quelqu'un de recevoir la traduction de cela. And John was separated by the Lord. Et Jean était séparé par le Seigneur to receive the transcript. Pour recevoir la transcription. The translation of that prophecy. La traduction de cette prophétie. What is the importance of the translation? Quelle est l'importance de cette traduction? The translation, la traduction, helps you, vous aide, to now read the prophecy, pour maintenant lire la prophétie, and look at the world, et voir le monde, and understand, et comprendre, its translation, sa traduction, when it's being fulfilled in the real world, quand c'est accompli dans le monde réel. So that the church may now know. Alors, l'Église peut savoir maintenant when these things have reached. Quand ces choses arrivent. Did you understand me? M'avez-vous compris? I said step by step. Je l'ai dit pas à pas. It's going to be very simple. Ça va être très simple. Nobody can ever lie to you again. Personne ne peut encore vous mentir. Because parce que whereas he spoke the prophecy, tandis qu'il a dit la prophétie, there was need to translate it, il y avait un besoin de la traduire, such that the church would know, de sorte que l'Église sache, the nations would know, que les nations sachent, when it has arrived, quand c'est arrivé. And so that's why I want us to begin today. Alors c'est pourquoi je désire que nous commencions aujourd'hui. Precious people, peuple précieux, let us look at the Olivet prophecy. Regardons à la prophétie Olivet. The most important prophecy in your life. La prophétie la plus importante de votre vie. The most important prophecy in the whole universe. La prophétie la plus importante de tout l'univers. In the whole Bible. Dans toute la Bible. And you'll find that all the other scriptures in the Bible. Et vous allez trouver que toutes les autres écritures de la Bible. They just revolve around this prophecy. Elles tournent juste autour de cette prophétie. Turn with me to the book of Matthew 24. Tournez avec moi à l'évangile de Matthieu 24. Step by step. Pas à pas. Matthew chapter 24. Matthieu chapitre 24. Today. Aujourd'hui. I am going to open for you. Je m'en vais ouvrir pour vous. That you may know. Pour que vous sachiez. What the Lord has made me know. Ce que le Seigneur m'a fait connaître. Open for you this gospel of Matthew. Ouvrons pour vous cet évangile de Matthieu. I know. Je sais. That we are going into this gospel. Que nous allons dans cet évangile to extract out the most important prophecy. Pour extraire cette prophétie importante, pour extraire cette plus importante prophétie, the Mount of Olives prophecy. La prophétie du Mont des Oliviers. But mais I will also open up, je vais aussi ouvrir, that you may understand, pour que vous puissiez comprendre, what are the conversations in that book, quelle est la conversation dans ce livre, that are key, ce sont une clé, and how does the book of Matthew begin, et comment est-ce que le livre de Matthieu commence, what is the conclusion of that book, quelle est la conclusion de cet évangile. Then when you go to the Olivet prophecy, ensuite quand vous allez à la prophétie Olivet, now you have a complete understanding, alors vous avez la compréhension complète of what the Lord was saying in that book, de ce que le Seigneur est en train de dire dans cet évangile. We have chosen Matthew. I could have chosen Luke 21. Nous avons choisi Matthieu et j'aurais pu choisir Luc 21. I could have chosen Mark 13. J'aurais pu choisir Marc 13. But I chose Matthew for this purpose. Mais j'ai choisi Matthieu dans ce but. Precious people. Peuple précieux. Before I go to Matthew 24. Avant que j'aille dans Matthieu 24. Before I go there. Avant que j'aille là. I want you to know the following. Je voudrais que vous sachiez ce qui suit. About the glorious gospel of Matthew. À propos du glorieux évangile de Matthieu. Where we are going to extract the Mount of Olives prophecy. Où nous allons extraire la prophétie du mont des oliviers. There are these basic common things I want you to catch. Ce sont ces bases communes que j'aimerais que vous saisissiez. Number one. Numéro 1. If you look at the way the Holy Spirit introduced the gospel of Matthew. Si vous regardez la manière dont le Saint-Esprit introduit l'évangile de Matthieu. The glorious gospel of Matthew. L'évangile glorieux de Matthieu. If you see the way the Holy Spirit introduced him. Si vous regardez de quelle manière le Saint-Esprit l'introduit, this is what you find in the introduction. C'est ce que vous trouvez dans l'introduction. Listen. Écoutez. Number one. Numéro un. He talks about the genealogy of Jesus. Il parle à propos de la généalogie de Jésus. The genealogy of Jesus. La généalogie de Jésus. That is Matthew chapters 1 and 2. C'est Matthieu chapitre 1 et 2. Number 2, he talks about the birth of Jesus. Numéro 2, il parle à propos de la naissance de Jésus. Number 3, he talks about the escape of Jesus to Egypt. Numéro 3, il parle à propos de la fuite de Jésus en Égypte. Number 4, he talks about the magi. Au numéro 4, il parle à propos des mages. The wise men. Des mages. Number 5, he talks about the return of Jesus from Egypt. Numéro 5, il parle à propos du retour de Jésus d'Égypte. And many other things in there, but those are key. Those are the key. Et beaucoup de d'autres choses là-dedans, mais ceux-là sont des clés. The introduction. L'introduction. The glorious gospel of Matthew. L'évangile glorieux de Matthieu. I want us to go there and pull out the Mount of Olives prophecy like this. Je désire aller là et retirer la prophétie du Mont des Oliviers, comme ça. But I said. Mais j'ai dit. It would have been easy to go straight to Matthew 24, where I'm going to go. Ce serait plus pratique d'aller directement à Matthieu 24, là où je vais aller. In the next few minutes. Dans les quelques minutes suivantes. But it is better for me. Mais c'est mieux pour moi. To give you a comprehensive understanding. De vous donner un entendement compréhensible. Of this glorious gospel. De cet évangile glorieux. How about the end of Matthew? Qu'est-ce qu'il en est de la fin de Matthieu? We have seen the beginning of Matthew. Nous avons vu le commencement de Matthieu. How about the end? Alors, qu'est-ce qu'il en est de la fin? What does the Holy Spirit bring at the end? Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte à la fin? At the end of Matthew. À la fin de Matthieu. Matthew chapter 28. Matthieu chapitre 28. The Holy Spirit finishes that glorious gospel. Le Saint-Esprit finit ce glorieux évangile with the authority of God. Avec l'autorité de Dieu. He finishes by exalting the authority of the Lord. Il finit en exaltant l'autorité du Seigneur. And he calls it the Great Commission. Et il appelle ça la grande mission. Let us read a little bit there, and then after that, I will now prepare you. Lisons un petit peu ici, et ensuite après ça, je veux maintenant vous préparer. I'm just preparing you to receive the Mount of Olives prophecy. Je suis juste en train de vous préparer à recevoir la prophétie du Mont des Oliviers. You see that now.